Bonjour, bienvenue à tous dans cette quatrième émission, quatrième tome déjà de cette grande aventure. Tu te souviens, Tolrek, quand on a commencé, comme on était jeunes? Oui, puberté. Bonjour Tolrek, comment vas-tu? Bien, toi? Bon, ça va tranquille. Et alors notre deuxième comparse qui est là pour nous accompagner, Bubule. Salut Bubule. Salut à tous. Ça va? Ça va super. Tu as fait des bonnes choses de libre cette semaine? Tout à fait, open, surtout open. Surtout open. Alors comme la dernière fois je reviens, mais de manière beaucoup plus brève, car j'ai été un peu insulté par mes camarades sur le fait que je passais beaucoup de temps à détailler les commentaires qu'on avait eu sur le site. Donc je remercie juste brièvement Bux, Olivier, Ogren, Jolia, Valentin, Antistress et Alexis. Alexis qui nous demande si nous passerons au 13e rencontre mondiale du logiciel libre. Malheureusement, nous ne serons pas de la partie. Alors pour info, les RMLL, donc les Rencontres Mondiales du Logiciel Libre, sont un cycle commercial de conférences, tables rondes et ateliers pratiques autour du logiciel libre et de ses usages. L'objectif est de fournir un lieu d'échange entre utilisateurs, développeurs et acteurs du logiciel libre. C'est gratuit et c'est à Genève. Ça fait partie. C'est peut-être pour ça qu'on n'y sera pas. Voilà, exactement. Enfin, moi, je vais parler pour nous, mais je suppose que vous n'allez pas à Genève le 7 et 8 juillet. C'est le week-end pour le grand public. Du 9 au 12, c'est les conférences, ateliers, Lightning Talks et le Boulevard du Libre. Et tout au long de l'événement, c'est le Festival des Arts Numériques Libres. Bien, beau programme. Vous confirmez, vous n'irez pas? Et non, malheureusement, dernier mot. C'est votre dernier mot, Alexis, tant pis. Alors, la dernière fois j'avais mis 15 minutes, ici j'ai fait ça en... 15 secondes. Et voilà. On se voit là, le mois prochain. On se voit, et voilà, au revoir et tout. On va faire un podcast en 5 minutes. Mais on pourra faire plus de numéros, ou peut-être plus souvent qu'une fois par mois. Ah bah écoute, on peut en enregistrer une dizaine là. Oui, c'est vrai. On gros taquet. Mais les news risqueraient d'être pourries. Ça nous changera, tiens. Mais quelle cruauté, quoi. Quelle cruauté. Bon bah cette fois-ci, les news, on s'y colle à deux, Bubule et moi. On y va? Tout à fait, je suis prêt. Alors, la première news, je m'y colle, c'est la sortie de Fedora version 17, qui s'appelle Biffy Miracle. Je vous préviens, la première news est un peu longuette, mais après, ça ira mieux. Donc, pour rappel, Fedora est une distribution soutenue par Red Hat, et on peut considérer que c'est leur laboratoire. Alors, ils testent les nouvelles fonctionnalités dans Fedora avant de les intégrer dans leurs solutions professionnelles. Fedora est toujours considéré comme une distro à la pointe, et très apprécié des développeurs, dû à son avance technologique sur d'autres distros. C'était personnellement... celle avec laquelle je suis rentré chez Linux, puisque au boulot, on avait du Red Hat. Et donc, la distro libre, facile à installer, la plus proche, c'était Fedora à ce moment-là. Et donc, voilà, Fedora 17 est sorti sous GNOME 3.4 par défaut, mais on peut aller sur KDE, Sugar ou encore XFCE ou LXDE si on a envie. Alors, une des nouveautés, c'est le support tactile multi-touch, le déplacement de la racine slash vers le dossier user, USR, qui veut dire user. User, user. Ouais, non. C'est quand même user. Je pensais que c'était autre chose que ça voulait dire. Non, je pense ça. Bon, ça va. Et alors aussi l'intégration le fait que toutes les requêtes DNS passent par DNSSEC, donc c'est le protocole sécurisé qui vous évitera du DNS spoofing ou du DNS cache poisoning. Alors, pour rappel, le protocole DNS permet de recevoir l'adresse IP à un nom de domaine correspondant. Pour ceux que ça intéresse, linuxfr.org a détaillé tous les changements. Je mettrai un lien sur les notes de l'émission. Alors, la semaine passée, je vous avais longuement parlé du Secure Boot et des problèmes que ça causait sur les environnements, pas sur les environnements, mais sur les distributions GNU Linux. Et donc voilà, là, je vais remettre une couche parce qu'il y a une petite actualité avec Fedora. Donc, pour rappel... le hardware va bientôt contenir des clés. Donc lorsque l'on va booter, ça va arriver avec toutes les machines qui vont distribuer Windows 8. Lorsqu'on va booter, le hardware va vérifier à l'aide de ces clés qu'il a dans son firmware si le soft appelé a bien été signé par une entité qu'il reconnaît. Dans la pratique, ça veut dire que Microsoft possède des clés et qu'il a demandé aux fabricants de hardware de mettre ces clés dans les cartes mères. Tous les fabricants de processeurs labellisés Microsoft Windows 8 auront donc ces clés et vont autoriser le démarrage de Windows. Ça veut dire aussi que le hardware va refuser de booter des OS qui ne sont pas signés par des clés, donc trustées par le firmware. Alors évidemment, ça pose des questions pour toute la communauté GNU Linux, parce que pour la plupart, il n'y a pas de volonté de signer la distribution, ni les bootloaders, ni n'importe quel utilitaire qui se trouve dans une distribution. Pour cette raison, dans le cadre des processeurs x86, le Secure Boot pourra être désactivé. Alors comme je l'ai dit aussi à l'épisode 3, c'est pas le cas des processeurs ARM qui n'autoriseront pas la désactivation du Secure Boot. Ce qui veut dire que la tablette Windows 8, donc on enregistre aujourd'hui, nous sommes le 19 mai, et une des tablettes Windows 8 est sortie sur processeur ARM. Ça veut dire que si vous achetez ça, vous ne pourrez pas installer de distribution Linux qui ne sont pas signées. Donc, retour sur Fedora. Quelle est la position de Fedora par rapport au Secure Boot ? Eh bien, figurez-vous que Fedora va entrer dans le jeu du Secure Boot. Alors, il faut bien se dire que Fedora, comme je l'ai dit, c'est le laboratoire de Red Hat. Ça veut dire que Red Hat va rentrer dans le jeu du Secure Boot aussi. Probablement. Plus que probablement. Alors, pour bien comprendre, le Secure Boot, c'est l'UEFI. Dans l'UEFI, il y a trois entités. La PK, qui est la clé constructeur. Donc c'est une clé qui appartient au fabricant. Ensuite, il y a les KEK, les Key Exchange Key, qui sont des certificats qui sont trustés par le firmware et qui sont en général des certificats appartenant aux operating systems autorisés à booter, ou alors des drivers. Et alors, il y a deux DB, une qui contient la liste des signatures autorisées et l'autre qui contient les signatures révoquées. Je sais, c'est un peu technique, il faut un peu s'accrocher, mais bon, je vais quand même au bout de l'explication. Le possesseur de la PK, c'est-à-dire le fabricant, il peut modifier la liste des KEK, c'est-à-dire la liste des clés des operating systems. Le possesseur d'une clé KEK, donc ici par exemple Microsoft, peut modifier les deux DB. L'idée, c'est donc de chaîner tout le démarrage, donc la clé qui fait partie du firmware. Donc la PK vérifie l'intégrité des certificats des operating systems. Les certificats des operating systems vérifient la signature des binaires qui sont lancés au boot. Et vu que tout doit être signé, une fois qu'on a démarré, tout est intègre. Donc dans le process, on a que Microsoft veut une KEK. Il doit demander donc à l'OEM pour insérer son certificat dans la liste des KEK. Une fois que son certificat est dans la liste des KEK, il peut lui-même, donc Microsoft, signer des drivers ou des softs. La première idée de Fedora, c'était de faire exactement pareil que Microsoft. Fedora a donc entamé des démarches au niveau des fabricants OEM. Donc OEM, je ne l'ai pas dit, mais c'est Original Equipment Manufacturer. Donc c'est fabricant de pièces détachées, en gros. Pour faire comme Microsoft et mettre leur clé Fedora dans des cartes mères des PC x86. Alors, premier problème, si beaucoup ont accepté, Fedora s'est rendu compte que c'était pas possible de faire tous les fabricants pour demander l'intégration de leurs clés. Fedora, en voyant que c'était pas possible de contacter tous les fabricants, s'est dit que c'était la merde, parce que si on le fait pour certains hardware mais pas pour tous, faut commencer à entretenir une liste de machines, entre guillemets, compatibles Fedora, et la communication devient compliquée. Donc vous imaginez le mec qui veut passer sous Fedora, et ce serait sa première distro GNU Linux. Le mec, il essaye d'installer Fedora, mais ça boot pas. Il va voir dans la doc, il voit que son matos n'est pas compatible, et que pour pouvoir installer Fedora, il doit désactiver une fonction sécurité de sa machine. Enfin bon, bref, le mec, s'il comprend pas plus que ça, il va vite aller acheter un Mac. Donc on en revient à la problématique de Fedora, qui voit que c'est pas possible d'avoir ses clés chargées dans les firmwares, et il ne veut pas laisser tomber le Secure Boot, pour la simple et bonne raison, toujours ma supposition à moi, que Red Hat ne peut pas ignorer le Secure Boot. Alors, il y en a certains qui pensent que Fedora et Red Hat sont bien distincts, mais bon, faut pas déconner. La personne qui se charge de l'intégration du Secure Boot dans Fedora, c'est Matthew Garrett, qui est employé chez Red Hat. Le mois passé, j'ai parlé de lui et j'ai dit par erreur que c'était un développeur Debian. Merci donc, Antistress, d'avoir corrigé le tir. C'est bien un mec de chez Red Hat. Mais c'est perturbant parce que le logo de son site ressemble fort à la spirale rouge de Debian. Et à mon avis, c'est pour ça que je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc du coup, Fedora a vu que Microsoft mettait un portal pour permettre aux gens qui émettent des programmes de signer leurs programmes avec des clés Microsoft qui sont trustées par les firmware. Donc comme je l'ai dit, à partir du moment où on joue le jeu du Secure Boot, tout doit être signé. Donc si vous êtes Si vous fabriquez des drivers, vous devez aussi signer vos drivers avec des clés qui sont compatibles avec les clés qui sont dans le firmware. Et donc, bon, bah, Microsoft, il ne va pas s'amuser à signer tous les drivers du monde, etc. Donc, ils ont offert un espèce de portal et ils permettent à des personnes, néanmoins une authentification, etc., etc., de pouvoir signer eux-mêmes leur soft. Donc, Fedora, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont écrit un mini-boot qui ne fait rien d'autre que lancer Grub. Ce mini-programme sera donc trusté par la plateforme, car il sera signé par des clés Microsoft. Et oui, donc Fedora a été sur le portal de Microsoft et a fait signer un mini-boot. Dans le mini-boot, il y aura une paire de clés qui sont la possession de Fedora. Et donc Fedora va pouvoir signer le reste de ses modules. Alors il y a eu beaucoup d'encre électronique déversée pour parler de tout ce brol. Chacun a son avis sur la question et beaucoup considèrent que Fedora tire dans le dos des autres distributions pour se rendre compatible avec le Secure Boot, qui est pour beaucoup un moyen pour Microsoft de garder un monopole sur les OS à travers des contraintes hardware. En plus, il y a eu un peu trahison car Fedora doit payer 99$ à Microsoft, 99$ à Microsoft pour avoir ses clés. Alors, pour ce qui est de l'argent, Dixit... Je t'interromps, par unité ou... Non, en fait, une fois. Oui, tu payes une fois, et puis après tu signes autant de trucs que tu veux. Oui, non, mais donc les 99$, c'est pour chaque personne qui va commencer à utiliser du hardware sur lequel il y a cette paire de clés. Donc, les gens qui souhaitent payer les 100$ à Microsoft, ce sont des gens... qui veulent développer et qui veulent se rendre compatible avec le Secure Boot. Ils ne le payent qu'une fois, donc une fois que la licence des 99$ a été payée, ils peuvent développer autant d'unités de leurs produits. Voilà, donc en fait, c'est quelque chose que tu ne payes qu'une fois, et une fois que tu l'as payé, tu peux repasser sur le portal et signer autant d'applications que tu veux. Par contre, c'est un processus manuel. Ils ont juste signé un seul tout petit programme. Et le reste, ils le signent eux-mêmes à la chaîne avec des processus qu'ils ont en interne, avec des clés qu'ils vont maintenir chez eux. Donc voilà. Alors, quand je me suis documenté un petit peu sur le sujet, j'ai même été voir l'avis de Linus lui-même, notre grand ami Linus, qui dit que en fait, le Secure Boot, c'est une bonne idée et que c'est pas parce que pour l'instant, c'est pas super bien implémenté qu'il faut flinguer toute l'idée. Donc voilà, je vais mettre quelques liens sur le site pour vous aider à comprendre. Je ne sais pas si c'était très très clair. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que Fedora joue le jeu du Secure Boot et que donc, à partir de la version 18, je pense que ce sera automatique. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui voudront installer Fedora n'auront pas à se poser la question ou à désactiver cette fonctionnalité dans l'équivalent du panneau d'administration du BIOS qu'il y avait anciennement, qui va être maintenant l'administration UEFI. D'accord, c'est quand même plus proche du dossier que de la news. Oui, on est bien d'accord. Mais j'ai fini. Moi non. Et les autres sont beaucoup plus courtes. USR, bien sûr, ça ne veut pas dire user. Ah, il me semblait bien. Unix System Resource, dossier qui contient les programmes installés sur le système. Et donc voilà. Voilà, il me semblait bien. Mais qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement minimal du système. Cela se retrouve dans slash. Oui, il me semble bien que USR, c'était pas user. Et dans les autres, où on a ETC. ETC, ouais. C'est pour la config, c'est bien sûr pas etc. C'est en effet Editing Text Configuration. Donc c'est tout ce qui est fichier de config par programme. Ok. Et le reste est logique. Mount, media, lib, tout ça est plus logique. Mais donc USR, rien à voir avec user. D'ailleurs, les fichiers user sont dans home. Eh oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, Bubule, à toi, news suivante. Eh bien, moi, je voulais rebondir sur une news du mois passé. On avait parlé de PayPal. Ah oui, nos amis PayPal. Pourquoi ? Parce que on critiquait un peu le fait que dans leur règlement, une nouvelle règle... disait qu'on ne pouvait pas critiquer PayPal si on proposait PayPal sur son site. Et puis on s'est acharné sur PayPal et on s'en foutait un peu puisqu'on avait dit que probablement Monsieur PayPal ne nous écoutait pas. Eh bien... Il ne nous écoute pas. En effet. Bien vu. Il me semblait bien. Non, il ne nous écoute pas. Par contre, j'ai été curieux de voir c'était qui et ma curiosité a été récompensée parce que c'est assez intéressant. Donc, je voulais vous dire quelques mots sur Monsieur PayPal. C'est en fait Elon Musk. Ça vous dit sans doute toujours rien, parce que c'est pas quelqu'un de aussi médiatique que Bill Gates ou autre, mais par contre, ces sociétés sont hyper connues, et donc voilà, je voulais vous en dire un mot. En commençant par Zip2, c'est sa première société qu'il a fondée après l'école pour quelques centaines de milliers de millions de dollars. Il a su revendre ça et c'est comme ça qu'il est devenu riche. Et grâce à ce pactole, en fait, il a fondé une banque en ligne qui s'appelait x.com, et qui, elle, avec ses fonds, a racheté une petite société à l'époque qui s'appelait PayPal et qui, elle, a pris une ampleur considérable. Ensuite, il a revendu PayPal à eBay, d'accord ? Là, il est devenu non plus millionnaire, mais milliardaire. Et grâce à ce nouveau capital, en fait, c'est aussi le CEO de SpaceX. Ça vous dit quelque chose ? Non. SpaceX, c'est une des deux sociétés privées qui a maintenant un partenariat avec la NASA pour alimenter l'ISS. Dans l'espace. Vous n'avez pas entendu parler de ça ? Oui, si. On en a parlé énormément récemment parce qu'en fait, la navette spatiale a été mise au musée et la NASA n'a plus aucun moyen de transférer du matériel ni des gens sur l'ISS. Et donc, depuis quelques années, depuis quelques mois, faisait ou bien recours à Soyouz, aux Russes. Ça les embête probablement un petit peu. Oui. Et donc, ils ont maintenant deux contrats, dont un avec la société de M. Musk, qui est SpaceX. Et on en a parlé beaucoup parce que, je ne sais pas si j'ai la date, le 22 mai, ils ont réussi le lancement, après quelques jours de retard à cause de panne moteur, le lancement de Falcon 9, qui portait la navette Dragon et qui a apporté... je pense une demi-tonne de fret et ramener l'équivalent en poubelle sur l'ISS. Et donc à terme, ce sera également possible d'utiliser cette société privée, probablement pour des voyages humains. Oui, oui, en fait, voilà. on en a beaucoup parlé, il me semble, parce que justement, c'était la première fois que c'était une société privée qui se chargeait du ravitaillement de la station internationale. De l'ISS, voilà. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire du mal de SpaceX ? Tu peux, je t'écoute. Ils n'ont pas des contrats. Ah bah écoute, je n'ai pas été beaucoup plus loin. J'imagine qu'à l'avenir, en plus de leur accord avec la NASA, ils vont essayer de se développer dans le tourisme spatial qui va devenir plus abordable, mais qui leur permettra de financer leur recherche et développement et d'améliorer leur module de lancement. Non, moi je trouve que c'est pas trop mal comme projet. Et en fait, toutes ces sociétés ont toujours cet aspect un peu écolo. Même si une navette spatiale, c'est pas forcément écolo, mais je veux dire, il a des projets de cette nature, parce qu'en fait, ses études étaient liées à ça. Je sais pas si je vais retrouver comme ça, mais je pense qu'il faisait un doctorat, oui, voilà, en physique énergétique. C'est plutôt l'énergie que l'écologie. Mais pourquoi je dis écologie ? Parce que sa dernière société dont je voulais vous parler, c'est Tesla Motors. Ça vous dit quelque chose, ça ? Bah, Tesla... Ouais, ben voilà. Rapport, électricité, quoi. Ouais, sauf que la Tesla S, c'est une voiture de sport qui était, il y a 2-3 ans, qui est sortie et qui était la première voiture électrique, mais ultra sportive. Donc, c'était l'équivalent d'une petite Porsche ou d'une petite Ferrari en GT, mais uniquement sur batterie. Et on en a parlé parce que quelques stars du style Johnny ou ce genre de personnes en France en ont... obtenu un modèle et ça fait grand bruit parce que c'était la première voiture donc full électrique mais qui gardait des performances assez élevées. C'est lui qui est à l'origine de tout et ça. Et c'est aussi lui donc qui a fait cette société Tesla Motors qui pour l'instant n'en a que ce modèle, la Tesla S, mais qui est encore vendue dans le monde. Voilà. Eh ben super. Et donc maintenant sa fortune est estimée à plus ou moins 2 milliards de dollars. C'est donc, pas mal. Voilà, tout ça en commençant avec un petit logiciel et une petite banque en ligne. Et ainsi de suite. Ça lui a permis de devenir quand même un acteur incontournable de ce monde informatique et technologique. Et il a quel âge ? Quel âge ? Il est de 71. Donc voilà, tu calcules toi-même. Ah, mais il est pas très vieux. Non, non. Mais quelle horreur. Mais il est beaucoup trop riche pour son âge. Oui, tu viens te rendre compte que t'as raté ta vie. Ah oui, mais carrément, quoi. Mais allez, c'est le mec qui à 40 ans, n'a pas une Rolex. Bref, news suivante. Alors ça va être rapide parce que ça fait déjà un mois que c'est sorti, vu qu'on n'enregistre pas très souvent. Donc je rappelle juste la sortie du noyau en version 3.4. C'est le module de sécurité Yama qui a finalement été intégré. Ça intègre aussi une nouvelle architecture X32 qui fait son entrée aux côtés de ses cousines X86 et X86-64. Mais je n'ai rien d'autre de plus à dire, ça sert à rien d'en parler maintenant. Comme je disais, c'est plus très très frais comme news, donc je vous renvoie à l'article sur LinuxFR pour lire l'ensemble des nouveautés. Et le côté court de cette news contrebalance la news trop longue précédente. Pas encore assez. Ok, ce sera pour la suivante aussi. Pocket TV. Ah, ça m'intéresse tout ce qui est Pocket. Ah ben voilà. Donc Pocket TV, c'est un petit projet qui va te permettre de transformer ta télé standard en une web télé. Je m'explique. Tous les téléviseurs maintenant ont un tas d'options et les modèles plus haut de gamme ont souvent cette option qui te permet d'attaquer un serveur pour autant que ta télé soit connectée en Wi-Fi. Et ce petit serveur te fournit des services tels que météo, eBay, tes mails, les news, etc. Ce service pour l'instant, il est indirectement payant puisque tu payes ta télé plus chère. Et Pocket Télé, c'est en fait un projet de dongle, c'est-à-dire une grosse clé USB mais qui contient un processeur et de la mémoire et qui permettra en fait d'attaquer un service sous Android qui fournira tous les services dont j'ai parlé, services standards, comme tu les attaques avec ta tablette ou ton téléphone portable. Et donc j'imagine, tu me dis si je me trompe, mais genre j'ai une petite clé USB, je la plug genre en HDMI, ouais, sur la télé. Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est une clé qui va sur un port HDMI et qui elle-même contient un port USB si tu veux mettre une petite télécommande ou un petit clavier en plus. Et alors un port Ethernet ou... Ethernet ou, je pense pas, et là... Elle a de la mémoire, un CPU, un slot micro SD et un port USB. Et alors, donc, du coup, voilà. On peut surfer sur le ouais, net. Oui, tout à fait. Et, voilà. Et ça contient des services intégrés, genre. Eh bien, elle tourne. Ça tourne ah oui, sous c'est Android. Android. C'est Android. Et oui. Donc, il y aura tous ces services comme sur le Google Play qui contient tous les services qui tournent sous Android. C'est un market store hein, comme les autres. Donc voilà, ça peut être intéressant. Encore un petit mot, en fait, ce projet, je parle toujours de projet et j'ai pas vraiment de nom de société ou d'initiateur, ça reste un projet et en fait ça tourne sur Kickstarter. Ah oui, oui. Donc oui. C'est ça attend les financements. Voilà, c'est une plateforme collaborative de financement. Mais donc j'avais noté ça il y a quelques jours, mais je suis retourné voir pour avoir l'état du financement qui est toujours en cours, ça termine je pense mi-juillet. Et en fait, il a déjà récolté 260 000 dollars. Et il lui fallait Il lui fallait 100 000. Ah ok, excellent. Donc c'est la fête, on va tous avoir notre Pocket Télé dans quelques mois. On peut encore juste dire que puisque le projet va passer en phase de production, ils ont estimé que le dongle serait vendu aux alentours de 100 dollars. Oh, okay. Voilà. C'est pas trop cher. C'est pas trop cher et ça correspond, je pense, plus ou moins au prix pour lequel tu vas payer une télé plus haut de gamme pour avoir un web service. Mais avec l'avantage que si tu achètes une Philips, bah, tu attaques un serveur Philips de service qui pourrait être éventuellement assez limité. Alors qu'ici, tu vas pouvoir t'ouvrir à un environnement d'application multimarque, je veux dire, voilà. Eh ben excellent, ben, avec une transition presque toute dessinée, moi j'avais aussi un truc dans le monde du pocket, c'est Corben qui nous parle de ce mini-ordinateur, le MK808, alors cet ordi de la taille d'une clé USB, est équipé d'un processeur ARM single core, cadencé à 1,5 GHz, 512 MB de RAM, un port USB, un micro USB, un micro SD, du Wi-Fi, une carte graphique, capable de lire les vidéos en HD et disposant d'un port HDMI. Voilà, le MK802 fonctionne sous Android 4, donc Ice Cream Sandwich, et coûte 74$. Il y a une vidéo sur le site de Corben, donc je le renvoie aussi sur le site pour voir la bête en action. Encore une news super courte qui contrebalance la toute première. Allez, je continue avec Google. La Commission européenne presse Google de remédier aux abus de position dominante. Donc, après avoir attaqué La plupart, Microsoft, Oracle, la plupart des grandes boîtes qui ont un succès gigantesque, c'est autour de Google. Alors, en deux mots, ça s'est passé en fin mai. Donc, le commissaire presse Google de remédier à cet abus de pouvoir ou de position dominante et demande une réponse pour juillet, je pense. Donc, avant d'entamer des démarches officielles. Donc, pour l'instant, c'est qu'un avertissement. C'est le commissaire à la concurrence, donc Monsieur Almunia, et il fait en gros quatre reproches. Ça, je vais vous les citer. Donc, dans cette affaire, on retient l'intégration des moteurs de recherche spécialisés au sein du moteur principal. Donc, si tu veux, une encapsulation des moteurs sur la page principale de Google. Une reproduction sans autorisation des données récoltées sur des services concurrents. Donc ça, c'est un peu le principe, je pense, si tu t'enregistres sur un réseau social, en fait, tu te rends compte après un certain temps que tu as un tas de... Si tu tapes ton nom sur Google, tu vas retrouver un tas d'autres moteurs qui te déclarent, même si tu n'as pas encore créé une page chez eux, c'est juste une incitation à venir t'enregistrer chez eux également. Oui, d'accord. Et puis l'exclusivité publicitaire dans les pages, de résultats de recherche intégrés au site web... Et c'est lié à l'absence de portabilité des campagnes de AdWords. Donc ça, c'est le moteur publicité. AdWords, oui. Donc voilà. Alors ces sujets nécessitent des réponses rapides. Et donc le commissaire invite Google à fournir des réponses pour juillet. Et voilà, affaire à suivre pour le Parole de Tux numéro 5. Sans problème, tu nous feras la suite du dossier des aventures de Google contre la justice. Mais j'imagine déjà bien que les 3-4 mecs qui bossent dans le bureau de ce commissaire ne feront pas le poids bien longtemps face à la horde d'avocats et de juristes qui travaillent certainement là-dessus depuis des années chez Google. Parce que c'est certainement un sujet qu'ils n'ont pas laissé au repos. Microsoft avait quand même été condamné avec sans doute la même armée de juristes. À l'époque, derrière, donc c'était combien, 500 millions ? Oui, mais moi je pense que derrière tout ça, c'est juste une affaire de chiffres, quoi. Donc en ça, fait... c'était fini en arrangement financier, simplement. Ou bien, parce qu'ici, la question c'est de savoir si Google va payer un certain montant, ça c'est relativement peu intéressant. Par contre, si la commission les force à modifier leur moteur de recherche selon les quatre points présentés. Oui, ça aura quand même des grosses conséquences. Ouais, exactement. Oui. Voilà. Ok, news suivante. Microsoft Azure. Vous connaissez ? Donc c'est un service que Microsoft offre pour acheter, enfin pour louer des services dans le cloud qui sont où on peut acheter notamment des machines, quoi, des serveurs, des choses comme ça. Et donc Microsoft Azure, ils ont ajouté quoi ? Ils ont ajouté des serveurs Linux à leur offre de machines virtuelles. Donc les clients du service peuvent choisir d'installer différentes distributions Linux pour faire tourner leurs applications. Alors dans le choix, on a SUSE Linux Enterprise Server 11, OpenSUSE 12, CentOS 6 et Canonical Ubuntu 12.4. Ça prouve tout de même que sur le marché des serveurs, Microsoft est un peu à la ramasse et que les GNU Linux montrent bien leur puissance dans ce domaine. Donc pour plus d'infos, je renvoie vers Numérama, de nouveau le lien dans les notes de l'émission. Flash News, la micro-news la plus courte de ce mois-ci. Skype 4 pour Linux est disponible en V4 à partir de mi-juin. Mais faut-il installer Skype ? Est-ce que ça n'appartient pas à Microsoft ? Est-ce que c'est pas bourré de code propriétaire ce truc ? C'était juste une petite news pour les gens qui veulent l'utiliser sous Linux, parce que jusqu'à présent, en fait, il était toujours en version bêta, et donc maintenant, il est en version officielle sous Linux. Mais c'est vrai que moi, je l'avais installé sous Ubuntu, et je l'ai utilisé 2-3 fois, et en fait, ça laguait quand même pas mal, quoi. C'était pas super stable. Mais je l'ai essayé il y a plus de 6 mois. Moi, j'avais lu pas mal d'articles sur Skype avant, et donc je ne l'ai pas installé, justement. Ok, bah oui. D'accord. Allez, news suivante. C'est PC Impact qui nous parle de la sortie de Linux Mint 13. Alors Mint, c'est une distribution Linux qui remporte un succès croissant. Basée sur Ubuntu, elle est développée selon deux axes principaux. L'inclusion de codecs et logiciels propriétaires, ainsi que le refus de GNOME Shell et d'Unity. Ah. La nouvelle version 13, baptisée Maya, continue sur cette lancée et capitalise sur deux environnements de bureau, Mate et Cinnamon, donc MATE et Cinnamon. Alors la volonté de Linux Mint d'investir dans un nouveau bureau plutôt que de développer sous GNOME est très discutable. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu con. Mais bon, Mint reste compatible avec beaucoup d'environnements bureaux. Alors, pour la lourdeur de Cinnamon, parce que je pense qu'on est obligé d'installer... je pense que ça ne tourne que sur des cartes qui possèdent des accélérateurs 3D. J'en suis pas très sûr, mais en tout cas, c'est assez lourd. Moi, je conseille aux possesseurs de netbook, aux pauvres comme moi, de laisser tomber ça et d'installer Mint sous LXDE. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas encore LXDE pour Maya. Mais il y en a une pour Lisa, et je suppose que les versions Maya sous les autres bureaux vont bientôt arriver. Maya sous KDE est apparue il y a 7 jours à peine, donc début juin. Ceci dit, Cinnamon, ça a de la gueule. Oui, ça a de la gueule, mais c'est en, enfin, c'est, on peut rentrer dans des grosses polémiques, mais moi je peux, je me demande un petit peu ce que ça apporte. Et... Ah mais moi je suis sur XFC, donc dans la série... Bonjour, c'est rigide. Enfin, pas rigide. T'es sur quoi ? XFCE. XFCE, oui, moi j'ai LXDE. Je crois que je l'avais essayé aussi. Mais bon, bref, faut reconnaître que Linux Mint, ça en jette, quoi. Bah, c'est vrai que. Mais en fait, ce qui en jette, c'est un petit peu. C'est un petit peu que c'est la distribution la plus facile et la plus intégrée directement, quoi. Donc, le mec qui ne connaît pas le monde Linux, le monde du libre, etc., il installe ça et il est surpris de voir que absolument tout fonctionne, quoi. Et c'est parce que c'est une distribution qui ne se donne absolument pas, qui ne s'impose pas de problème de conscience à installer du libre ou pas du libre. Ils installent tout pour que ça fonctionne tout de suite. De la même manière qu'Ubuntu, hein. Mais Ubuntu, il faut quand même faire quelques démarches. Ils ont des dépôts qui sont restés libres. Oui, ils ont séparé quand même. Oui, mais Ubuntu, à une époque... tout à fait. Ils sont bien fait critiquer pour les mêmes raisons... Parce qu'ils avaient aussi tapé des propres, enfin des packages non libres, du non libre par défaut, et que c'est d'ailleurs était sorti à l'époque là, je crois qu'elle existe toujours, la distribution GNuSense, un truc du style, qui était une Ubuntu libre. Ouais. IPv6. Ah oui. Désolé, ça c'est un petit peu barbare, mais. Il faut y passer parce que le 6 juin, c'était la journée de lancement mondial officiel de IPv6, durant laquelle donc, pas mal d'énormes acteurs du web ont migré vers ce nouveau protocole. Par exemple, Facebook, Google, AT&T, D-Link, Cisco, Yahoo, etc. Donc l'organisation maintenant encourage évidemment tout le monde à faire cette migration, mais les contraintes pour y parvenir sont assez diverses, même si elles touchent principalement la sécurité. Donc voilà, je voulais vous en dire quelques mots quand même. Donc IPv6, ça va remplacer IPv4 qui tournait en 32 bits. On passe à 128 pour avoir plusieurs milliards d'adresses disponibles. Parce qu'en 32 bits, on était bloqué un peu moins de 4 milliards et qu'on arrive au bout. Donc les contraintes de sécurité, malheureusement, c'est le fait que c'est novateur, donc il y a un manque de connaissances. Et donc, il y aura aussi des erreurs de configuration et des problèmes de compatibilité. Et bien évidemment aussi des maladresses humaines, donc, qui sont toujours la principale cause de problèmes en informatique. Mais le plus important défi en matière de sécurité, c'est que beaucoup d'appareils de sécurité réseau sont capables de transformer le trafic en IPv6, mais pas de l'inspecter. Et IPv6 est activé par défaut sur toutes les nouvelles plateformes actuelles, comme Windows 7 par exemple. Et ces machines sont déjà installées sur le réseau. Donc, c'est ça qui va poser le plus gros problème. Donc voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus dans la technique. En conclusion, ici, j'avais encore quelques petits mots pour vous dire que les politiques et les technologies sur lesquelles on travaille maintenant peuvent uniquement fonctionner sur IPv4. Et donc, ça crée en fait un déficit sur votre couverture de sécurité. Mais mettre à jour l'infrastructure de sécurité réseau pour permettre ce transfert en IPv6, c'est pas un projet simple et ça prendra des années. Et c'est pour ça que la plupart des sociétés qui font face à des mises à jour matérielles auront des migrations potentiellement longues et onéreuses et donc n'ont pas prévu pour le moment de migrer en IPv6, simplement par facilité. Oui, ils vont attendre la fin de... Enfin, ouais, que le matériel tombe en obsolescence et que ce soit remplacé par quelque chose. Ou alors ils vont pas pouvoir attendre. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est dit dans cet article, c'est que les entreprises vont devoir, vont être forcées, poussées à migrer en IPv6, parce que suite à ce lancement du 6 juin, maintenant que c'est officiel, la plupart des grands acteurs, je l'ai dit, passent en IPv6, et ça veut dire que ça va représenter tout d'un coup 5 ou 10% de vos données, plutôt qu'une fraction pour le moment. Et donc, les DSI auront de plus en plus de mal à justifier le fait de ne pas y passer. Et donc, il va falloir se pencher sur ce problème plus rapidement que prévu si la plupart des concurrents, des clients ou du réseau en général y est passé. Mais je comprends pas bien le problème concret. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une migration progressive des équipements d'IPv4 vers IPv6 ? Tant qu'à présent, comme nous, biassement, moi, si je vais sur le net, je sais aller sur tous les sites. Oui, voilà, c'est ça. Il dit que éviter les mises à jour nécessaires pour passer en IPv6 deviendra justement seulement plus difficile à justifier pour un DSI. Parce que plus tu attends, j'imagine, plus ce sera aussi complexe ou cher ou j'en sais rien. De compatibilité aussi avec les autres équipements qui seraient déjà sur ce nouveau protocole. Bah oui. Et puis sans doute aussi que bon, au fur et à mesure qu'on va avancer vers IPv6, je suppose que tout ce qui est matériel IPv4 ne va plus être mis à jour, ne va plus contenir tout ce qui est patch de sécurité, etc., etc. Et puis voilà. Ce qu'il y a, c'est d'un point de vue technique, comment ça tourne maintenant, c'est que c'est une encapsulation, c'est-à-dire que les On fait de l'IPv4 dans l'IPv6. On contourne ce problème en faisant comme ça, mais ça veut dire aussi que les paquets peuvent être transférés, mais pas inspectés. Et donc ça, c'est un trou de sécurité aussi. C'est-à-dire que D'accord. Ouais. Ça, c'est un avantage en IPv6. Et si tu es encore en V4 et que tu utilises juste pour encapsuler, tu transmets tes paquets, ça va marcher, mais tu perds la sécurité de pouvoir contrôler ce qu'il y a dedans. Oui, d'accord. Ok, parfait. La dernière news en ce qui me concerne, j'avais envie de parler de la sortie de Nmap en version 6. Alors Nmap, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui, à l'origine, liste les ports ouverts d'une machine. Vous connaissez Nmap ? Non. Vous connaissez sans savoir, car Nmap est fort référencé dans les films de geek. Quand on voit un terminal, vous voyez un fond noir avec des écritures en vert un peu flashy. Tu veux me dire que dans Wargames, il utilise Nmap ? Alors, dans Wargame... Alors, je ne pense pas que... Non, parce que Nmap n'existait pas encore à ce moment-là. Mais par contre, dans Matrix, quand Trinity écrit des lignes de commande, elle écrit des lignes de commande Nmap. Si vous allez sur le site de Nmap, vous allez voir, d'ailleurs, il y a plusieurs références cinématographiques à ce programme, à ce logiciel. Et ça montre bien que c'est une référence en la matière. Alors, si vous faites Nmap puis l'adresse IP, Nmap va vous dire tous les ports qui sont ouverts avec la liste des applications qui sont derrière. En gros, vous allez pouvoir savoir si une personne a le port 80 ouvert, donc le port HTTP, et s'il est ouvert, vous pouvez pousser Nmap à aller identifier le web serveur qui est derrière, par exemple Apache, et vous pouvez aussi le pousser pour aller voir la version genre 1.3, 2.0, 2.2. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est une application très utile pour savoir si vous avez des vulnérabilités apparentes de l'extérieur. Donc si vous travaillez avec des logiciels qui ne sont pas à jour, et surtout si vous maintenez un web serveur, faites gaffe parce que Nmap arrivera toujours à détecter si vos applications écoutent sur des interfaces réseau public. Voilà, c'est tout pour moi, et pour ça je vous renverrai vers le journal du net qui a fait mention de la sortie de Nmap, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Flash News, une Flash News pour notre ami Tolrek. De nouveau, pour continuer la discussion du mois passé sur le jeu Osmose, écoute, depuis que tu m'en as parlé, je suis tombé par hasard là-dessus sur le Google Play, qui est donc la plateforme d'applications sur Android. Et le jeu était dans le top 10. Et voilà, c'est simplement pour te dire. Et grâce ça. À la promotion de Parole de Tux, bien entendu. Tout le monde a écouté, tout le monde a commencé à le télécharger, il est monté dans le top 10. Donc il est disponible sur Android et pour 2,49$, ce qui est quand même 4 fois moins cher que la version normale, je vais dire, sur le site, qui était à 10$, si je me souviens bien. Ouais. Et surtout, en plus, en termes de jeu, la souris, je veux dire, si c'est pour jouer en tactile, ça doit être encore plus intéressant. Le fait que ça tourne sur un GSM, donc c'est un écran beaucoup plus petit, n'est pas handicapant. Non, je pense pas, parce qu'il y a moyen de zoomer, on zoome, on dézoome, Et puis, graphiquement, c'est léger. C'est beau, mais léger. Et donc, maintenant, il est redescendu un peu. Hein. Pour être honnête, dans le classement, il est autour de la 30e position. Ouais, ça fait un mois que l'émission est passée. C'est ça. L'engouement est retombé, mais quand même. On n'a pas d'autre explication. Elle est également dans la catégorie recommandée par le... Comment ils appellent Partons ça Partolrec. Ouais, c'est ça. Mais je pense, Bubule, que tu viens de redonner un élan d'espoir à ce jeu qui perdait quelques places au classement grâce à la promotion, la visibilité que nous avons grâce au site. Eh bien, je pense que Osmose va remonter C'est dans le choix vers la lueur des étoiles. Une catégorie choix de l'équipe qui développe le Play Google. Et là-dedans, il y a toutes les applications les plus... les mieux écrites, les plus fun, et Osmose est repris là-dedans. Donc c'est quand même tout à son honneur. Voilà. Et petite dernière news encore pour moi, parce que moi j'ai fini. Ouais, j'ai plus travaillé que toi surtout. Oui, tout à fait. Play a Grill. Un MP3 buccal sans écouteur. C'est une horreur sans nom sur laquelle je suis tombé dans un flux. MP3 buccal. Tout à fait. Oui, c'est peut-être pas ce que tu penses. J'ai une petite photo, bon ça va mais passer. Mais ça passe pas à la radio, non. Non, mais c'est juste pour vous deux, voilà, comme ça vous pouvez voir pendant que je parle. D'accord. C'est un lecteur assez innovant, développé par un étudiant en technologie qui vient d'inventer ce lecteur MP3 qui se place donc dans la bouche, sur la partie supérieure, hein, en dessous sur de votre palais, tout à fait. Ouais, donc ceux qui ne voient pas, ça ressemble juste à un appareil dentaire, celui qu'on avait qui était plastique rose avec une grosse barre en métal qui vous passe devant les dents. Exactement. Ça rappellera des bons souvenirs à certains. Plus, en tout cas, à moi, ça me parle. Plus les petites flèches pour passer de morceaux et monter de volume, qu'on peut donc piloter avec la langue. Délicieux. Et donc le principe quand même, c'est que ça utilise la conduction osseuse pour transmettre les vibrations de la musique et ainsi on peut se passer d'écouteurs. On peut se passer d'écouteurs, mais on peut pas se passer l'appareil parce que ça c'est beaucoup c'est trop dégueulasse. Alors évidemment tout le monde trouve, comme tu viens de le dire, que ça ressemble à un appareil dentaire et justement dans les commentaires la plupart des gens estiment qu'on pourrait peut-être y voir un mix des deux et développer un appareil dentaire MP3 buccal. Mais quelle horreur. Mais en tout cas, au moins, là, au moins, je vois une opportunité business pour ceux qui ont déjà un appareil dentaire. On vous dit, OK, on va vous plugger un Walkman dedans. OK, à la limite, je veux bien. Mais ceux qui n'ont pas d'appareil dentaire, qu'on leur dit, attends, tu veux écouter de la musique? Il suffit de te mettre une tondeuse dans ta bouche parce que ce truc, ça a une taille complètement gigantesque. En plus, je parie que tu sais même plus parler avec ça. Ouais, je pense pas, vu... Le mec ça lui prend gars, tout son palais, donc il sait même plus remonter sa langue, enfin, c'est complètement affreux. En plus, non, quand il remonte la langue, il change le volume, donc ça lui gueule dedans. Ouais, si plus il parle, plus ça va fort, et il s'entend plus parler. En plus, j'imagine, il doit y avoir des piles, donc tu dois avoir du mercure qui te coule, et après t'attrapes le cancer des dents, quoi, et tu meurs à 17 ans, c'est complètement affreux. Mais quelle invention c'est débile. Affreux. Ouais. Et le mec, il pensait vraiment en vendre, non? Mais je sais pas. Mais il en vend peut-être vraiment. Il en est peut-être mort. Aussi. Cancer des dents. Voilà, ouais, c'est assez immonde. Oui, c'est complètement dégueulasse. Où va-t-on? Bon, ben voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la rubrique tout des à news. Fait, ça finit pour moi aussi. Eh ben excellent, parce que là, ça fait déjà presque 3/4 d'heure. Et donc, sans plus attendre, on passe à la rubrique de Tolrec. Donc, 3/4 d'heure de news. Excellent. Donc, alors, moi, je suis parti dans... Je me suis rappelé, j'étais jeune, j'étais innocent. J'avais un Schneider. Alors, Captain POSIX m'a tout de suite dit que si je parlais de Schneider, la plupart ne comprendraient pas. Donc, pensez Commodore 64. Mais non. L'équivalent Schneider, c'est l'Amstrad, en fait. Donc, en Belgique, on pouvait acheter des Schneider, mais Schneider était fabriqué en Allemagne et l'équivalent en France, c'était l'Amstrad. Donc, celui qu'on avait, nous, c'était l'Amstrad CPC 6128. Mais nous, on l'avait acheté sous la marque Schneider. T'es en train de me dire que c'était un Amstrad produit blanc, quoi. Mais non, c'était pas un Amstrad produit blanc. Amstrad, c'était une marque tout à fait respectable. Mais bon, voilà, en France, je pense pas qu'on pouvait trouver des Schneider. Maintenant, les auditeurs, ils vont encore arriver à me décauser en disant « Ouais, t'as rien compris, on trouvait des Schneider sans problème. » En tout cas, en Belgique, c'était Schneider, c'est tout. Bref. Donc, je me suis rappelé de cette grande époque où tu sortais ta disquette et que tu avais des jeux qui faisaient 2 kilo-octets. 3, soyons fous. Ah, c'était des grosses disquettes hein, de 128K ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est un truc du style. Et donc, je me suis dit, mais il y a bien des gens qui ont dû développer sous Linux des jeux comme à l'époque, et on doit pouvoir en retrouver. Et donc, j'en ai retrouvé deux. Il y en a un, c'est Burger Space. Alors, dédicace à Laurent, car je sais que Laurent a longtemps beaucoup joué à ce jeu. Ouais, spécial dédicace ouais. Pour Laurent, on a dit qu'on allait lui faire écouter les petites sonorités du jeu de l'époque, si tu peux le lancer. Oui, alors... Mais tout en expliquant le principe de, du donc, jeu. Qu'est-ce que Burger Space? Bon, d'abord, faut être honnête, graphiquement, c'est vieux. Mais, oui, donc... C'est bien, t'as pas dit c'est moche, t'as dit c'est vieux. Ça prend pas trop de place sur ton disque, je parie. Ah non, oui, je pense que c'était moins de 600 kilooctets. Oui, c'est ça, ça tient ouais. Sur une disquette. Ça, c'est que dalle, ouais, quoi. Ok, t'as plus de lecteur de disquette. Et donc, il se trouve dans les dépôts Debian, et hop, j'ai lancé le jeu, mais je vais quand même vous dire que... il se trouve visiblement également sur Mandriva et Ubuntu. Excellent, voilà. Je vais pouvoir jouer aussi. Donc, c'est un puzzle games. Voilà. Donc, l'idée, c'est vous déplacer un petit cuistot voilà. Donc, ça démarre. Ah, ça démarre, c'est bon là. Je vous mets l'ambiance sonore. Et donc. Oh, t'as perdu. T'es mort. Et donc, vous déplacez un cuisinier sur des échelles et vous devez faire tomber des morceaux de hamburger les uns sur les autres. Sans vous faire rattraper par une gousse d'ail, un piment, un saucisson, un cornichon, je pense, des trucs comme ça. Et voilà, vous marchez sur les plateformes, et chaque fois que vous marchez, par exemple, sur la feuille de salade, elle descend à l'étage au-dessous. S'il y a un morceau de steak sur l'étage au-dessous, il va à son tour descendre, et ainsi de suite. Le but étant de compléter vos hamburgers. Est-ce que c'est addictif? Alors, je crois avoir fait les trois premiers niveaux. Je me suis arrêté. Je ne dirais pas que addictif est le mot. Mais bon, si un jour je suis à l'hôpital, que je m'ennuie, que j'ai mon ordinateur et que tous les autres jeux sont morts, oui, je jouerai à Burger Space. Et est-ce qu'on voit une évolution dans les décors? Tu dis que tu as fait les trois premiers stages. Est-ce que le troisième stage est complètement différent du premier ou est-ce non, que c'est... Pas du tout. C'est toujours. C'est juste que les échelles méchants, et les échelons c'est juste changent. Le numéro du level qui change. C'est les méchants vont juste un peu plus vite. Voilà. Enfin, du moins sur les trois premiers niveaux. Bref, voilà. Donc, si pour Laurent. Hein, pour les nostalgiques. Pour les nostalgiques. Parce qu'en fait, ce que je disais, et à mon avis, c'est là que tu as fait confusion, c'est que Laurent, lui, il avait ce jeu, mais sous Commodore 64. Donc je pense que ça existait, ce Commodore 64. Bah, tu vois que tu me fais faire des erreurs. Bon, bref. Oui, à mon avis, on s'est pas bien compris, c'est pas grave. Ou c'était un piège. C'était un tricky piège. Alors, l'autre jeu. Je me suis rappelé qu'il y avait un jeu quand j'étais petit. Oui, car je suis toujours jeune. Et qui consistait à... T'es aussi toujours petit, hein. Je veux pas t'emmerder, mais... Je m'y attendais à celle-là. Va en enfer. Mais on va garder Captain le secret. On va garder le secret pour nos auditeurs, hein, qui t'imaginent encore beau, bah, grand et fort. Moi, je trouvais qu'un 1m84, c'était quand même assez grand. Quoi. Bien sûr. Heureusement qu'on fait de la radio. Donc... Alors, je me suis rappelé d'un jeu quand j'étais petit, c'était t'as un petit bonhomme et tu peux creuser à gauche et à droite et il y a tes ennemis qui tombent dans les trous. Bon, alors j'ai fait une recherche sur le net parce que je ne me souvenais absolument pas du nom du jeu et finalement j'ai découvert que ça s'appelait Loadrunner et qu'il existe bien des gens qui se sont dit tiens, si on le développait sous Linux. Et donc il existe un jeu qui s'appelle X Scavenger. Donc... Ah, ils ont changé le nom. Oui. Qui, bon, ça, c'est un clone où ça reprend le même principe, mais bon, c'est le même gameplay, c'est kiff. On le trouve sur les dépôts Debian, Mandriva, Arch Linux, du moins si j'ai bien tout compris sur le site où j'ai trouvé l'info qui disait oui, ce jeu existe sur telle distribution, donc j'espère que je ne me plante pas. Les sons que vous entendez en toile de fond, c'est ça. Oui, je peux mettre un peu plus fort juste pour l'exercice. Évidemment, il se trouve sur les dépôts libres et gratuits, hein, je précise. Et c'est également un puzzle game. Donc le principe est assez simple, vous contrôlez un petit bonhomme. Allez, soyons fous. Ah oui, mais je n'ai pas d'adversaire ici, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous contrôlez un petit bonhomme et vous êtes poursuivi par d'autres petits bonhommes. Et vous devez vous attraper tous les diamants qui sont sur le tableau en... montant à une échelle, en vous déplaçant sur des murs et ainsi de suite. Et vous, comme je disais, vous pouvez creuser des trous à gauche et à votre droite pour faire tomber vos ennemis qui tombent dans le trou et qui se font écraser par le mur dès qu'ils se reconstituent. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc chaque fois que tu fais un trou, il se rebouche. Voilà. Et si l'ennemi est tombé dans le trou, il meurt écrasé dans d'atroces souffrances. Et si l'ennemi avait attrapé lui un diamant, une fois qu'il tombe dans le trou, le diamant apparaît au-dessus de lui, vous passez au-dessus et vous récupérez son diamant. Une fois que tous les diamants, vous les avez embarqués, hop, vous prenez l'échelle qui vous monte au niveau suivant. Alors, comment est le niveau suivant ? Mais c'est assez varié. Ah ! Oui, et là, en termes d'addiction, je suis quand même arrivé à 8 ou 9 niveaux, donc j'ai quand même continué. C'est plus que Burger Space. Oui, c'est plus que Burger Space. Et y a des niveaux qui m'ont quand même un peu bloqué. Donc, ce n'est pas non plus... Téléchargé un crack. T'as été lire les Solus. Dans PC ouais. Solus. Oui. Ou dans Joystick. Combinaison de touches et boum, dernier niveau. Donc y a... C'est pas facile. Il y a quand même parfois, il faut un peu réfléchir, donc ça tient la route. Et je me disais, ouais, c'est un jeu des années 80, moi je suis un gros joueur, tu vas voir comme je vais le plier. Pas du tout. Bon, voilà, c'est un peu la gêne, mais j'avoue. Donc, X-Scavenger m'a quand même bloqué sur un ou deux niveaux, sur les 8 premiers. Et je ne sais pas combien il en propose, mais apparemment, beaucoup. Et alors, il n'y a plus aucune licence sur les deux jeux dont tu viens de parler. Ils sont libres, open source. Alors, que je sache, enfin, X-Scavenger, ça me semble clair. Burger Space, j'ai pas vérifié, mais il se trouve dans les dépôts Debian, visiblement. Donc, et sur X-Scavenger, j'avais vérifié, c'était sur le main. Et donc, je pense que, sauf erreur de ma part, c'est la partie libre Debian. Oui, oui. Donc, c'est plus du libre. Plus que certainement. Maintenant. Ils reprennent juste le concept, hein. Ce n'est pas... Oui, c'est un portage, en fait. Bon. C'est une réécriture, c'est pas... Ni plus ni moins. Voilà, donc je vous ai plongé dans les années 80. J'espère que vous, qui avez une trentaine d'années, que vous qui êtes un geek, avez eu une belle érection. Je suis content d'avoir participé à ce moment des mois pour vous. Et je donne donc la parole à je ne sais pas qui. À moi, a priori. Tu peux la prendre. Enfin, Bubule, si t'as des trucs à dire. Non, je confirme juste que Burger Space, c'est libre. Ah, d'accord. Excellent. Bon, ben voilà, on passe déjà à la dernière partie de cette émission. Vous voyez, quand on s'amuse bien, ça passe vite. Eh oui. Alors, petit dossier, 45 minutes, c'est parti. Le dossier interminable de Captain Posix. Aujourd'hui, alors j'ai fait un truc, je sais bien que les derniers commentaires allaient un petit peu dans le sens que, j'ai bien compris que certaines personnes avaient bien aimé l'aspect technique de certains dossiers. Comment hacker un serveur. Ah oui, les command line, pendant que tu parles, on tape les commandes, voilà, les gens qui sont devant leur PC en écoutant peuvent tester en live. Ouais, enfin, je ne sais pas si tout le monde a apprécié. Bon, un podcast, ça s'écoute dans le train, dans la voiture. Oui, moi aussi, personnellement, j'écoute mes podcasts dans la bagnole, mais bon, voilà. Ceci dit, ça avait quand même été apprécié. Ici, je prends une autre direction. Je voulais parler de l'histoire. Et oui, l'histoire de Linux, bien sûr. Alors... Je vais donc faire un petit dossier, c'est pas le vrai terme, un dossier, disons-le, sur la naissance de GNU Linux. Alors, on commence au tout début avec le commencement du commencement de l'origine de ce système GNU Linux. Là, vous vous dites, ouais, il va parler de Unix, mais non, pas encore. Pas du tout, l'âge de pierre. Unix, ouais, Unix, c'est carrément la fin de mon dossier. Alors là, vous dites qu'il va remonter à Multics, l'ancêtre de Unix. Eh bien, même pas, les gars. À Milix Non. Ni Astérix, ni Film X. Je remonte bravo. Encore. Bravo, super. Et d'ailleurs, Bubule, t'avais une bonne blague. Tu nous as envoyé une blague. C'est vrai, j'ai une bonne blague. Vas-y, Et puis, on commence le dossier. Qui mange un chien ? Chihuahua. Et voilà, là-dessus, j'enchaîne. Donc, je remonte encore... Tu veux bien te dépêcher. Je remonte encore un peu plus avant et je parle de CTSS. Donc, l'origine, le top départ de mon dossier, c'est le CTSS. On est en 1961 et c'est la naissance du temps partagé. Alors, CTSS, c'est Compatible Time Sharing System. Donc, on est en 1961, on est dans les tout premiers operating systems, donc les systèmes d'exploitation de type time sharing. Alors, cet operating system a été développé par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Pour la petite histoire, c'est de cette université qu'est issu notre cher Richard Stallman. Ladies and gentlemen, qu'on connaît tous. Il y est toujours ou... Non. Non. Voilà, il fait d'autres choses là. Il va exorciser la firme Bull en Tunisie ou je ne sais plus quoi. Enfin, il va faire des trucs un petit peu bizarres, notre Richard préféré, sur lequel, bien sûr, je ne vais pas trop dire de mal parce que de nouveau, je vais me faire incendier par les auditeurs. Alors, au MIT, comme personne un peu célèbre entre guillemets, il y a aussi Andrew Tannenbaum qui est le créateur de Minix, mais on y reviendra plus tard. On a aussi, qui est passé par là, Bailey Whitfield Diffie, à qui on doit, avec son pote Hellman, l'échange des clés Diffie-Hellman. J'ai fait un post là-dessus l'année passée, pour ceux que ça intéresse. Mais encore, oui, est aussi passé par le MIT, William Hewlett, qui a fondé avec son pote Packard la compagnie qui s'appelle... Packard. Excellent, je vois que vous suivez. Moi, j'ai tapé Packard Bell. T'as dit Packard Bell. Non, que dalle, quoi. Ouais, si c'était Monsieur Bell et Madame Packard, mais non, ici, c'était Monsieur Hewlett et Monsieur Packard qui ont fondé Hewlett-Packard, donc voilà. Donc ça, c'est que de la grosse référence, c'est que du lourd. Et c'est certainement avec celle de Berkeley la plus célèbre. Mais on y reviendra aussi plus tard. Alors pourquoi un tel OS ? Donc, à l'époque, les ordinateurs, c'était des machines de 4 tonnes qui faisaient 12 mètres cubes. Dans le cas du CTSS, donc l'ordinateur qui se trouvait derrière, c'était un IBM 7094. Et donc, l'idée même qu'une personne puisse lancer son programme et monopoliser toute la machine jusqu'à la fin de l'exécution était à proscrire. Il fallait donc un système sur lequel on pouvait... Je tourne la page. Se connecter à plusieurs et chacun pouvait lancer son petit soft. Alors quand on entend time sharing, on pense temps partagé, on pense multitâche, mais c'est pas tout à fait ça. En fait, le time sharing, c'est le temps partagé d'un point de vue utilisateur. Donc en gros, on est plusieurs à se connecter à une seule machine, et la machine est capable, en tout cas l'OS, de nous donner la main à tour de rôle. C'est aussi ça pour les programmes. Donc les programmes, on a un peu de temps de processeur, ça donne l'illusion d'être multitâche, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, c'est du monotâche à tour de rôle. Alors en 1963, le MIT crée le projet Mac. Le projet Mac a été appelé projet et non laboratoire pour des raisons de politique interne au MIT. Alors le terme laboratoire rendait difficile le fait d'aller chercher son personnel dans d'autres départements du MIT. Je suppose que le laboratoire possède son propre personnel, alors que dans le cadre d'un projet, c'est moins figé. Tout ça pour dire que le projet Mac, c'était surtout un laboratoire de recherche informatique et qui a brillé dans ses résultats sur les operating systems, l'intelligence artificielle et la calculabilité. Est-ce que vous savez ce que c'est que la calculabilité ? Ben, un calcul. L'aptitude à faire un calcul. Ouais. Je crois que c'est clair. La calculabilité, c'est la science qui permet de savoir si un problème peut être résolu suivant un algorithme. Ouais, bah donc c'est ça, c'est la possibilité de résoudre un calcul. Oui, c'est... On a un problème, facile, quoi. On a un problème, on veut savoir si on va arriver à le résoudre avec le calcul. Genre, est-ce que la bourse est... Voilà. Calculabilité. Voilà. Est-ce que la bourse est calculabilité ? Et voilà. Moi, je dis oui. moi, je dis oui aussi. Alors, qui finançait le projet Mac ? Eh bien, c'était le DARPA. En tout cas, c'est eux qui ont offert la première bourse de 2 millions de dollars. DARPA, c'est l'acronyme de Defense Advanced Research Project Agency. C'est donc une agence du département de la défense américaine responsable de la recherche technologique à usage militaire. Donc, je résume. En 1961, création de CTSS. En 1963, création du projet Mac, qui va travailler sur le CTSS existant, mais surtout qui se fixe comme objectif de créer un successeur à CTSS. Et ça, c'est la naissance de Multics. Multics pour Multiplexed Information and Computing Services. Sur ce projet, en plus du MIT, viennent s'adjoindre les ressources de General Electric et des laboratoires Bell. À ce moment-là, on est en 1964. Alors, je parle d'abord de ce que Multics va garder de CTSS. Multics, en tant que successeur de CTSS, va hériter et garder certaines caractéristiques. Et notamment, donc, le concept du temps partagé, qui permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser en même temps la machine. Ça, on garde. Le système d'invite de commande, qui est à l'origine du shell d'aujourd'hui. On garde aussi. Et le principe du traitement de texte, qui permet une typographie de qualité par un ordinateur. Ça, on garde aussi. Alors, on a vu que pour l'OS CTSS, on se base sur le constat qu'une machine est énorme et qu'elle doit être utilisable par plusieurs personnes en même temps. En 1964, on pense que ce modèle de machine unique accessible pour un grand nombre de personnes va subsister, voire s'étendre. On pense donc qu'une seule machine va être accessible au-delà de l'université et on met l'accent sur le réseau et sur les capacités multi-utilisateurs. À cette époque, on pense donc que le modèle est celui de l'unité centrale qui est à un endroit spécifique et qu'il faut juste un terminal pour dialoguer avec cette unité centrale. On n'imagine donc pas que tous les particuliers vont avoir un ordinateur chez eux. Mais ceci dit, c'est pas grave car vont découler de ce constat beaucoup de très bonnes qualités, notamment les problèmes de conflit des données, intégrité des données, sécurité, en gros empêcher que deux personnes travaillent et accèdent sur les mêmes ressources, mais aussi qu'une ne puisse pas avoir les données d'une autre ou les modifier, etc., etc. Multics va donc arriver avec la notion d'anneau, de rings. Un ring, c'est une zone de sécurité sur laquelle s'appliquent des règles. Pour passer d'un anneau à un autre, il faut passer par des zones de contrôle, des passerelles, des gateways en anglais. Et donc voilà, et je souligne aussi que ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ils imaginaient que donc on allait tous se connecter sur une unité centrale à l'aide d'un terminal. Le modèle de l'époque, en fait, il pensait se calquer sur l'utilisation qu'on faisait de l'électricité. En fait, on est des exploitants d'électricité. La production d'électricité, elle est faite ailleurs. Et il pensait que ça allait se passer comme ça. Et maintenant, quand on regarde ce qui se passe avec les nouveaux OS, notamment les jolis cloud ou des OS comme ça, ou les Chrome OS aussi, qui sont purement installés dans le cloud, où toutes vos données sont dématérialisées, en fait, on revient un petit peu à un modèle un peu comme celui-là, quoi. Donc bon, bref. Le système Multics, il est capable de gérer les mémoires virtuelles et donc en gros le swap. Multics a aussi été le premier à venir avec un système de fichiers hiérarchisé et on pouvait utiliser les liens symboliques. Bon, alors ça, c'était pour la partie un petit peu plus ancienne. Maintenant, une partie qui nous parle un peu plus, surtout à Bubule qui travaille là-dedans, c'est les Unix. Alors, quand les laboratoires Bell se retirent du projet en 69, deux ingénieurs qui travaillent sur Multics, que sont Ken Thompson et Dennis Ritchie, qui sont relativement connus, lancèrent leur propre projet baptisé initialement Unix, pour Uniplexed Information and Computing Service. C'est un jeu de mots aussi avec Eunuch, pour Multics émasculé. Ouais. par clin d'œil au projet Multics qu'ils jugeaient beaucoup trop compliqué. Bref, le nom fut ensuite modifié en Unix avec le X, puisqu'au début ça s'écrivait avec CS. Et la raison pour laquelle ils se lancent tous les deux dans cette aventure, c'est que Ken Thompson, il avait voulu développer un jeu, un vieux geek, hein, sur le GE645, donc la machine sur laquelle il développait Multics, et que les performances du jeu n'étaient pas terribles, et en plus, c'était cher. Alors pourquoi c'était cher? Pour la petite histoire, en fait, à l'époque, on était facturé par temps d'utilisation, donc on divisait le temps de la machine en tranches, et on décomptait, puis on facturait le temps utilisé. Donc c'était pas du tout le même modèle que nous, on achète un OS une fois, et puis on en fait ce qu'on veut, quoi. Ici, c'était un genre de... Ouais, de location. D'utilisation. On payait au volume, non pas au volume, on payait à l'utilisation. Ou ouais, à l'usage. Tout ça découle... pas trop vite. Le Ken Thompson, il se lance dans le redéveloppement de ce jeu en assembleur pour le PDP-7 et Dennis Ritchie lui donne un coup de main. Et Ruth Canadet était justement en train d'écrire un système de fichiers. De tout ça découle l'idée de refaire un OS et particulièrement un OS orienté fichier, puisqu'en gros, c'est la première brique finie de leur édifice, puisque Ruth Canadet, il avait quasiment fini. Alors normalement, tout aurait dû s'arrêter là, parce qu'ils travaillaient sur cet OS sans financement, un petit peu... ils faisaient du black, quoi. Et comme ça prenait une bonne tournure, ils l'ont proposé, donc Dennis Ritchie et Ken Thompson, à Bell, pour en faire un traitement de texte pour Unix. Donc ils ont développé tout un armada de trucs, mais ils ont juste présenté le traitement de texte. Et Bell a donné son accord, et ils ont développé pour Unix l'utilitaire ED et Runoff. Alors, les laboratoires Bell utilisent alors le système Unix comme système de traitement de texte et ils rédigent leur brevet avec ça. Au moment où Unix voit un mini-avenir, genre juste utile comme machine à écrire, Unix est confronté au problème de la portabilité. En effet, il est écrit en assembleur. Et donc, en gros, en langage machine, quoi. Et à chaque nouvelle architecture, il faut tout recoder. Tout écrit, quoi. Ouais. Alors, pour résoudre ce problème, Denis Ritchie se dit que Unix devrait être porté dans un langage compilé. Parce que c'est plus facile de porter un compilateur pour une autre architecture que tout un programme et ici tout un OS, quoi. Et donc à ce moment-là, Ken Thompson, qui a déjà mis au point le langage B, est repris par Denis Ritchie. Et il le fait évoluer et il va l'appeler le langage C. Alors en 1972, le langage C est né. Et nos deux potes, Denis Ritchie, qui est mort en octobre de l'année passée, en octobre 2011, et Ken Thompson redéveloppent le système Unix en C. Alors ici, premier tournant, on est dans une version stable et exploitable de Unix. Mais alors, les laboratoires AT&T, qui sont les possesseurs de cette licence et du système d'exploitation, n'ont pas l'autorisation de le vendre. Parce qu'en fait, le décret de 1956 sur la loi antitrust interdit à AT&T de vendre des choses, autre chose que du matériel téléphonique ou télégraphique. Résultat, AT&T distribue des licences Unix aux universités du pays pour un prix très modeste et s'est livré avec les sources. Là, on est en 1973. Unix va voir ses versions évoluer depuis 72, où la première version existe, et en 76, où la sixième version sort. À ce moment-là, les universités ont beaucoup contribué à améliorer la qualité de Unix et renvoient les modifications avec les sources et à AT&T pour qu'ils intègrent ces modifications. AT&T, à ce moment-là, qui voit des opportunités business, commence à monter les prix. Ça commence à devenir un petit peu le bordel. Et l'université de Berkeley, en Californie, va redévelopper une version de Unix à partir des sources d'AT&T. Ils ont fait ça aussi pour faire tourner Unix sur la plateforme VAX et ils baptisent leur version Berkeley Software Development ou plus communément appelé BSD. Et oui, vous l'aurez compris, BSD... C'est un fork, c'est un redéveloppement total du système Unix pour se débarrasser des contraintes de licence. C'est un redéveloppement où ils ont simplement pris les sources et ils ont commencé à faire le développement en gardant les bases Unix. Où ils ont redéveloppé ce qu'il y avait. C'est un clone ou c'est un fork? C'est un clone. C'est un redéveloppement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à cause de cette question-là, justement, il y a eu des procès entre AT&T et BSD. AT&T accusant BSD de réutiliser du code, alors que Berkeley s'est toujours défendu en disant « c'est pas vrai, on l'a redéveloppé ». Mais bon, bref. Donc BSD, c'est l'origine des systèmes FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, etc. À ce moment, vers 1977, on voit donc naître deux grandes branches des systèmes Unix. Une qui est officielle, puisque développée par AT&T, et l'autre qui continue d'évoluer et qui est maintenue par l'Université Berkeley de Californie. Et on est en quelle année ici ? On est en 77. D'accord. Pendant ce temps au MIT, en 1979, dans les laboratoires de recherche sur l'intelligence artificielle, un certain Richard Stallman utilise une imprimante qui déconne souvent. Et oui, pour être prévenu à chaque fois qu'il faut intervenir sur cette imprimante, il modifie les pilotes de l'imprimante pour qu'un petit signal sort et soit envoyé à chaque fois qu'elle tombe en panne. Comme ça, il n'est plus emmerdé et il sait qu'il doit aller la réparer. Retour sur notre aventure AT&T et Berkeley. Dans les années 80, AT&T continue ses versions Unix de recherche et développe en parallèle une version destinée à être commercialisée qui est la Unix System 3. S'en suivra en 83 la Unix System 5, donc système 5 en chiffres romains, qui est le berceau des Unix modernes et la base de la norme POSIX. Captain POSIX. Pour les systèmes Unix. Pendant ce temps, BSD continue à faire évoluer ses versions, mais ne suit pas les évolutions de AT&T. Donc là, il commence à y avoir deux directions différentes pour les systèmes Unix. Ça tourne un peu à la guerre. Car AT&T et BSD n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un standard. Entre 80 et 94, la guerre fait rage et des systèmes s'autoproclamant Unix n'arrangent rien. C'est à ce moment-là que naissent, issus de la branche AT&T, les HPUX, AIX, IRIX et autres clones incompatibles. Et de l'autre côté, c'est la naissance, beaucoup plus tard, mais enfin dans les années 80, de 90, de FreeBSD, NetBSD, OpenBSD et macOS X. Attends. Tu viens de dire 90? Oui. Donc, en 90, qu'est-ce qui se passe? En 90, c'est la sortie des distros, des OS FreeBSD, NetBSD, OpenBSD et macOS X. Donc macOS X. C'est ça que macOS X, on a toujours sorti, c'est une base Unix. macOS X est une base Unix. Il est même SUS, donc ça j'y reviendrai plus tard, mais macOS X est un vrai Unix qui est issu de la branche BSD. BSD est développé sous une licence qui est la licence BSD qui permet de prendre un code et de le refermer et de le transformer en quelque chose de propriétaire, ce que ne permet pas la GPL. De nouveau, je fais confiance à Antistress pour rectifier mes propos si je me trompe au niveau des licences. Mais voilà, BSD, voilà, permet, c'est une licence qui permet de faire ça, de refermer un code. Alors, pendant ce temps, chez monsieur Richard Stallman... Il a défoncé son imprimante. En 1983, Richard Stallman, qui pour la petite histoire avait complètement niqué son imprimante et en avait reçu une autre, a voulu implémenter le même genre de bazar en hackant le pilote. C'était une imprimante Xerox. Et Xerox, lui, refuse les sources. Ça l'énerve. Il décide, du coup, de rage, qu'il allait défendre les logiciels libres. Du coup, en 83, il décide de créer un operating system libre et le nomme GNU, qui veut dire GNU is not Unix. Il développe des softs, des éditeurs de texte, et puis aussi, il lance le développement de son propre noyau, HURD, donc H-U-R-D, qui est un micro-noyau. Et des pilotes d'imprimantes aussi, ils développent. Et des pilotes d'imprimantes, fort certainement, qui peut open hacker source. À l'aise open source. Voilà. En 1987, un professeur d'université, Andrew Stuart Tannenbaum, décide d'écrire un Unix pédagogique, donc super simplifié et super léger, il s'appelle Minix. En 1991, Linus Torvalds, j'écris Linus Torvalds, âgé de 21 ans et étudiant à l'université de Helsinki, acquiert un 386 équipé d'un vieux MS-DOS. Évidemment, MS-DOS, c'est un peu de la merde, donc il décide d'installer Minix dessus. Comme Linus n'est pas un naze, il décide de développer en assembleur un émulateur de terminal pour se connecter au serveur de son université. Quelle est bonne ! Linus, c'est pas un naze, mais il est un peu con, car il fait une fausse manip et il perd la partition où est installé Minix. Là, Linus prend une décision qui fait qu'on est tous là aujourd'hui. C'est qu'il décide d'étoffer son système pour en faire un OS. Et sur le forum de Minix, il lance la célèbre phrase « Hello everybody out there using Minix » et fait son appel aux développeurs du monde pour se joindre à sa cause, c'est-à-dire la création du noyau qu'on connaît. Alors en fait, des tas d'outils sont déjà disponibles pour son projet, car Richard Stallman dans son coin a tracé comme un malade, il y a déjà un compilateur C, un bash et d'autres trucs qui rendaient pas trop compliqué le fait de créer un OS. Donc pour résumer en grande date, nous avons en 1983 Richard Stallman qui crée le GNU Project, avec pour objectif de créer un operating system entièrement libre. 89, toujours l'ami Stallman rédige la première version de la GNU GPL, donc la GNU General Public License. Et maintenant, les années 90... Donc 90. Les années 90. 90-90. En 91, Linus débarque et incite les volontaires à l'aider dans la création du kernel originellement appelé Freex. Linus, ensuite... L'année suivante, Linus fait passer son kernel sous la licence GPL de Richard Stallman. Donc c'était bien la licence qui existait avant Linux. En 93, 100 développeurs travaillent sur Linux pour intégrer aux outils GNU. La première distribution... Est-ce que vous connaissez le nom de la première distribution Linux ? Non. C'est Slackware. Slackware sort et la même année, c'est Debian qui existe à travers aussi son propre projet. Alors, en 94, version 1.0 du kernel, Red Hat et SUSE sortent leur distribution. 96 version 2.0, le kernel devient multiprocesseur et devient une vraie alternative pour les entreprises. En 98, IBM, Compaq, Oracle annoncent leur support dans le projet communautaire. Pendant ce temps, l'environnement KDE est créé. 99, GNOME se crée. Et alors, dans les années 2000, on notera entre autres la formation de la Xorg Foundation pour l'environnement X, l'ascension de Ubuntu, le fait que Dell commercialise des laptops avec des Ubuntu préinstallés dessus, et enfin, last but not least, la création du podcast Parole de Tux. Et ça s'est furieusement accéléré les deux dernières minutes, là, t'as passé les années à toute allure. Pour finir revenir, en apothéose. Je peux revenir sur juste le lien entre Stallman et Torvald. Donc, tu peux revenir sur ce que tu veux, si moi. Si j'ai bien compris, Linus Torvald a créé juste un kernel. Oui. C'est-à-dire un cœur, un engine, mais il n'y a aucune interface autour. Et il a utilisé le GNU de Stallman pour en faire un OS exploitable. Oui, donc Richard Stallman, il crée un projet qui s'appelle le projet GNU. Et l'objectif du projet GNU, c'est de créer un operating system qui est entièrement libre. À ce moment-là, il lui faut plusieurs choses. Il lui faut un interpréteur de commande, il lui faut un bash, il lui faut des drivers, mais il lui faut aussi un noyau. Et il se lance dans la création de son propre noyau, qui est le noyau Herd. C'est ça. Mais ce noyau Herd va prendre du retard. Il avait opté pour une orientation micro-noyau, en fait, chose que Linux n'est pas. Et en réalité, ça prend du retard, et pour un petit peu accélérer les choses, c'est lui qui va trouver Linus en lui demandant s'il veut bien s'intégrer, et ils se mettent d'un commun accord du nom d'une distribution qui sera l'association des deux grands composants, c'est-à-dire tous les périphériques qui sont développés par le projet GNU, et le noyau Linux, et donc les distributions s'appellent des distributions GNU Linux. Voilà. Et je vois aussi qu'il existe quand même encore deux distributions à ce jour, pure GNU. Là, justement, le Arch Herd et une Debian Herd. Oui, donc il y a quand même deux distributions qui sont complètement indépendantes du noyau de Linux. Linux. Tout à fait. Et, donc, et ça, quelqu'un a déjà utilisé ça? Connais quelqu'un qui a tenté l'expérience. Ça doit être extrêmement différent de tout ce qu'on connaît comme distribution, j'imagine. En réalité, au niveau user experience, ça ne change rien. Parce que c'est vraiment le noyau. Et le noyau, tu n'interagis pas avec. C'est plutôt les applications périphériques qui interagissent avec le noyau. Donc, le noyau, il a la responsable de... par exemple, du système de fichiers. Il doit être compatible avec le système de fichiers. Tout ce qui est commande... C'est un bash s'intègre. Même en commande line, c'est de l'interfaçage. Donc toi, tu vois pas de différence. Mais tu saurais faire marcher tous les programmes qui marchent actuellement sur une Debian GNU Linux. Si j'installe du GNU Herd, est-ce que je retrouverai les mêmes programmes? Mais alors le problème, c'est que le noyau Herd, il n'est pas à un niveau de maturité que celui de Linux. J'imagine. Et d'ailleurs, il serait très facile pour toutes les distributions de migrer vers un autre noyau s'il était vraiment dans un état stable, mais ce n'est pas du tout le cas. Et donc les deux distributions, donc tu as cité Arch et tu as cité Debian, ce sont les deux qui ont fait l'effort de porter vers Herd, mais a priori, ça ne marche pas aussi bien que Linux. Il y a beaucoup moins de pilotes qui sont déjà intégrés dans le noyau. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Je ne sais même pas si, avec Herd, par exemple, est-ce qu'on peut installer du ButterFS comme file system. J'en sais rien, mais à mon avis, ils ont du retard un petit peu partout, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que, vu que Linux a vraiment pris beaucoup d'ampleur comme noyau, en réalité, Herd a perdu aussi en puissance et en intérêt. Il y a beaucoup de personnes qui se sont désintéressées du projet. Quoi. Surtout s'ils sont sur la même licence, en fait. Ils se font vraiment purement concurrence, quoi. Sauf que, de nouveau, ça c'est quelque chose qu'on reproche un petit peu au noyau Linux, c'est que par défaut, il intègre beaucoup de pilotes propriétaires. Il laisse la possibilité d'en mettre. Voilà ce qu'on appelle les microcodes. Et Richard Stallman, lui, il approuve uniquement à travers la FSF, donc la Free Software Foundation, des distributions qui sont exclusivement libres, c'est-à-dire dont le noyau s'est débarrassé de tout ce qui était pilote propriétaire. Et quand vous téléchargez une version... par exemple, je ne vais pas citer Arch parce que j'en sais rien, mais disons une distribution comme Ubuntu ou Linux Mint, vous avez un noyau qui contient déjà des tas de petites choses qui sont propriétaires dedans, quoi. Et Herd, évidemment, l'idée, c'est qu'ils n'en contiennent absolument aucune et jamais. Et donc, il n'y a rien qui marche. Et ça, c'est un petit... Non, mais c'est pas comparable. Quand je dis rien qui marche, si on installe un PC actuel, on s'attend à ce que la webcam, le Wi-Fi, USB, tout ça marche. Et ça, c'est justement toutes des choses sans doute moins prises en compte dans une version. Tournons aux choses simples, ton clavier, voilà. Ton écran. Mais voilà, oui, non, mais c'est vrai peut-être que c'est souvent... Peut-être ta souris. C'est la voix de... En même temps, même si ça paraît accessoire, qui pourrait se passer de tout ça maintenant et que faire avec une version dépouillée de tout accessoire comme celle-là, quoi. La démarche, elle doit d'abord être philosophique. Hein, donc, si au départ, on n'est pas d'accord de rentrer dans le jeu du libre, forcément, on ne va pas rentrer dedans parce que c'est bourré d'embûches et de contraintes. Oui, carrément. Donc, ça doit vraiment être philosophique. On doit être convaincu que le logiciel libre, en général, c'est le meilleur modèle dans lequel on peut avancer, quoi. Et si on n'est pas convaincu de ça, évidemment, on ne va pas se casser la tête à essayer d'installer du Ord ou bien du Linux qui est complètement libre. Si vous regardez la liste des distributions qui sont purement libres, il n'y en a que 9, alors qu'on a des centaines de distributions GNU Linux, quoi. Juste. Eh bien, que de belles paroles. Voilà, c'est ce qui clôt mon dossier. Je ne sais pas si vous avez tout compris. Mais ce qu'il faut retenir de tout ceci, c'est vraiment qu'il y a eu deux versions des Unix, celle qui est supportée par BSD et celle qui a été implémentée par AT&T, qui a le nom générique de Unix System 5. Unix System 5 qui a donné naissance à AIX, HPUX, IRIX et Xenix. Et la version Unix BSD qui a comme petit gosse la FreeBSD, la NetBSD, l'OpenBSD et la Mac OS X. Bon, les BSD, c'est clair, ça continue encore aujourd'hui. Les autres. Alors, AIX, oui, HPUX, oui, c'est les plus grands acteurs du secteur professionnel. Soyons clairs, bien sûr que oui. C'est quelque part dans ta liste. Pour des informaticiens, puisque pour le commun des mortels, hein, ceux qui... Non, dans le milieu professionnel, tout à fait. Hein. Oui. Ce sont des... Oui. Toi, tu demandais Solaris. En fait, les trois énormes acteurs, pour le moment, sont le HP Unix, l'IBM AX et le Sun Solaris. Ça, c'est les trois grandes distributions professionnelles. Alors, le Solaris est considéré comme un enfant à la fois du System 5 et de Unix BSD. C'est-à-dire qu'ils ont été pêchés leurs idées un petit peu dans les deux systèmes Unix de base, quoi. Et alors, tout à l'heure, j'ai parlé du SUS... C'est le Single Unix Specification. C'est en réalité un nom désignant un ensemble de spécifications qui permettent de certifier un système d'exploitation comme étant un Unix. Donc il est basé sur la norme POSIX à laquelle il ajoute quelques éléments. Le SUS, il est développé et maintenu par l'Austin Group et il est basé sur des travaux plus anciens de l'IEEE et de l'Open Group. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que macOS X, il a la licence... Single Unix Specification. Donc macOS X est un vrai Unix, bien plus que Linux, puisque Linux en réalité c'est un système de type Unix, mais ce n'est pas un vrai système Unix, quoi. Donc Linux, parce qu'il a été entièrement réécrit. Il a été entièrement réécrit, et puis même de toute façon, je pense que pour avoir la Single Unix Specification, c'est relativement cher et contraignant. Ah bon, ok. Et ce que fait GNU Linux, en fait, c'est juste de suivre au maximum la norme POSIX pour essayer de respecter au mieux les interfaces qui ont été définies par les Unix, quoi. Parfait. Très intéressant. J'ai appris plein de choses. Moi aussi. C'est vrai, je suis content. T'as bien fait de venir. Bah oui, écoute... Et toi aussi, dans ta voiture, qui nous écoute depuis 2h30 maintenant. non, c'est pas vrai. Mais ça fait quand même 1h20. Hein. On va penser à conclure tout doucement. Ben, rien à redire, moi. J'ai par exemple appris que le macOS découlait d'Unix, j'en savais rien. Ah ben honnêtement, oui, voilà. Je pensais qu'il n'y avait pas plus justement fermé et privé que ça. Ah mais c'est... l'un n'empêche pas l'autre. Oui, j'ai bien compris, mais je pensais oui aussi quand même que du coup son histoire était aussi, aussi fermée que la version actuelle. Eh oui, voilà. On a presque mal au cœur quand on apprend ça. On est obligé de un petit peu respecter macOS X. En même temps, étant amateur de cette version, de tout ce qui est Unix, c'est encore une fois la preuve que c'est quand même l'OS le plus robuste. Ah oui, ça c'est clair, évidemment. Puisque même Mac s'en est inspiré. Pour terminer l'émission, le petit morceau, recommandé par Bubule. Ah oui, je l'oubliais. Ah, il faut que je retrouve mon petit papier. Voilà. De nouveau, un morceau tiré de la plateforme Jamendo. Et cette fois-ci, pour l'introduire, je voulais juste rajouter quelques mots sur une fonctionnalité en fait, que je trouvais bien sympa sur ce portail. C'est que Captain Posick m'avait demandé de choisir un morceau, et en effet, sur ce portail, il n'y a pas des artistes très connus. Donc je me dis, mais moi, je ne veux pas aller au pif. Comment je vais retrouver quelque chose qui va m'intéresser là-dedans ? Eh bien, figurez-vous que le moteur de recherche, justement, c'est de lui dont je veux parler, est extrêmement bien fait et permet donc de sélectionner un morceau par genre, bien sûr, par artiste, si on les connaît déjà, mais surtout par similarité d'artiste, ce qui est vraiment parfait. Et donc, j'ai simplement... oui, encore aussi par les plus populaires, les plus downloadés, les plus joués, etc. Ça, c'est classique. Le top. Mais le tri par similarité d'artiste m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai commencé à taper quelques artistes qui me parlaient, en tout cas. Mais qui ne sont pas dans Jamendo ou qui Non, sont... non, bien sûr que non. Donc, par exemple, pour aller ici dans quelque chose d'un peu électronique, j'ai tapé Prodigy. Prodigy, voilà, un groupe que j'apprécie beaucoup. Et du coup, boum, il m'a sorti une liste impressionnante de morceaux qui, selon le moteur de recherche, avaient des similitudes, que ça soit dans le genre, dans... j'en sais rien, peut-être même dans certaines paroles, je sais pas jusqu'où ça va. Mais en tout cas, en effet, les 3-4 premiers morceaux de la liste que j'écoutais étaient du même style que les morceaux de Prodigy. Et donc, je vous propose ici un morceau de Vermilia, Follow the Light. Allez, ben on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 5. Tolrek, le mot de la fin. Eh bien, Laurent, si tu veux jouer à Burger Space, il faut installer Linux. Enfin, GNU Linux. Ah, GNU Linux, oui, attention. Allez, GNU Linux. On se quitte là-dessus, on se retrouve dans un mois. Salut. Salut.